je connaissais aussi. Tu m'aurais vu violoncelle, comme je caressais bien celle que j'avais pris sous mes ailes, comme on te caresse aussi, violoncelle. Comme on te protège aussi, violoncelle.